Script audio, chapitre 4 Le chantier de la fraternité. Ambiance sonore, le vacarme des écarts rapides, les klaxons et les cris des apprentis s'éloignent. On entre dans une ruelle plus calme où résonne le bruit sec et régulier, clang. Clang. Le métal qui frappe les moules de briques. Narrateur. Aïcha quitta l'université comme on fuit un incendie. Pour elle, la vérité n'était plus dans les livres, mais dans la poussière grise de Pikine. Elle marcha jusqu'au chantier de Baïmbissan. Elle l'aperçut de loin. Sa haute silhouette se découpait contre le ciel orangé du crépuscule. Mbissan était torse nu, sa peau sombre luisante de sueur, couverte d'une fine pellicule de ciment. Il remplissait les moules avec une cadence de métronome. Chaque brique était une victoire sur la précarité. Musique, un rythme de percussion doux, boisé, comme un battement de cœur. Narrateur. Lorsqu'il la vit, son visage fatigué s'irradia d'un sourire. Il posa sa pelle et s'essuya les mains sur un vieux chiffon. Ils s'assirent ensemble sur un muret de briques sèches. Aïcha fixa les mains de son mentor, les paumes étaient dures, marquées par des crevasses où le ciment s'était logé comme une écriture ancienne. Voix d'Aïcha, hésitante, basse. Baïmbissan, à l'université, certains disent que nous ne devrions pas nous mélanger. Ils disent que le sang peul ne doit pas se salir avec le reste. Narrateur. Mbissan ne s'énerva pas. Il ramassa une poignée de sable au sol et la laissa filer lentement entre ses doigts calleux. Voix de Mbissan, calme, profonde, rassurante. Regarde ce sable, ma fille. Seul, le vent l'emporte. Il aveugle les gens et ensevelit les maisons. Mais quand je le mélange avec le sel de ma sueur, avec l'eau et le ciment, il devient une brique. Et avec cette brique, on construit un abri. Pause de 2 secondes. Voix de Mbissan. Ton père et moi avons mélangé nos vies il y a 30 ans. Si j'avais écouté ceux qui disent que je suis Serer et lui Peul, tu serais aujourd'hui une ombre dans le Fouta. Ton savoir est la maison que nous bâtissons ensemble. Ne laisse personne démolir les murs avec des paroles de vent. Narrateur. Ce soir-là, en préparant le thé, Aïcha comprit que son combat ne se gagnerait pas seul. Elle sortit son carnet et écrivit un premier nom, Fatou. Une étudiante wolof qu'elle avait jusque-là ignorée. Le sable d'Alou allait rencontrer un mur de briques. Sonore, le bruit du métal sur les moules reprend de plus belle, vigoureux, puis fondu enchaîné vers le silence. Ampoule électrique indication pour le narrateur. L'ambiance, on doit sentir la fatigue mais aussi la paix du chantier. C'est un moment vrai. La voix de Mbissan, elle doit être l'opposé de celle du professeur Diatta. Mbissan est fatigué, mais il est solide. Sa voix doit être posée, ancrée dans la terre. Le symbole, fait durer le moment où il parle du mélange sable-sel et ciment. C'est l'explication du titre du roman.